de Sibérie, je porterai Bruxelles à Rio. Je poserai la tour Eiffel aussi à Antananarivo. Et sur le sable d'or, nous nous endormirons près de nos labradors et nos mille girafons. Pour toi, ma doudou de Sibérie, je porterai Bruxelles à Rio. Je poserai la tour Eiffel aussi.